toutes et tous, la tribu, bienvenue dans cette Vampire Freaks numéro 8. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous confirmer que la Vampire Freaks continuera après la rentrée et je peux même vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter et c'est tant mieux. On commencera cette soirée avec Rock You Like a Hurricane de Scorpion. On la retrouve dans de nombreux films. Tu sais, le moment où tout va mal, c'est le bazar, et t'as le héros qui arrive au bout de la rue pour sauver tout le monde. On poursuivra avec Right Action de Franz Ferdinand, de l'album Right Thought, Right Word, Right Action, sorti en 2013. Clip plutôt bizarre, un conseil des Écossais à arrêter la drogue. Mais bon, comme j'aime tout ce qui est bizarre, cela dit, excellent album. Je vous passerai ensuite Dans quel état terre d'Hubert Félix Thiéfaine, tiré de l'album Le bonheur de la tentation en 1998. On pouvait entendre Le chaos de la philosophie, exercice de simple provocation avec 33 fois le mot coupable et la superbe ballade d'Abdallah Geronimo Cohen. On s'écoutera ensuite l'harmonica des naufragés de l'album Sabaigne en 1990. Le groupe s'est formé après la séparation d'OTH. Et oui, le chanteur c'est Spi. Et en 1992, ils ont sorti un super album à contre-courant. Ils ont aussi un fabuleux live appelé tout simplement Les naufragés en concert. Et les naufragés, après 10 ans d'absence, ont repris du service et sont tournés dans toute la France. Et on finira ce bloc avec Anarchie, un Chiraki, un live du super live de Parabellum post-mortem en 97, écoutable sur toutes les plateformes légales. On a rafraîchissez sur les calendriers. 50 et des poussières après Adolf Hitler. 2000 après JC dans le flot des années. Tu te refais les paupières pour cacher ton cancer. Oh, terre, terre, terre, joyeux de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau, souvenirs de tout pays, bouteilles de rhum et de whisky, une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac, j'y ai mis l'harmonica, j'avais acheté ça Malaga, avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica, pour naviguer la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Il m'accompagne partout, une chanson prête à chaque trou, il sait des tas de refrains, dont la plupart sont des marins. À bord pendant les chœurs, à bord il fait rêver les gars. Il leur parle de la terre et du pays de leur amour. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Mon amitié, la polka, et quand ça les gars, faut faire l'harmonica. Les gens où j'étais pas manchot, ils faisaient la cour dans les pays chauds. Ah, une sombre beauté, qui nous les passe, c'est tenté. Sa peau et son corps étaient noirs, et ne voulait rien savoir. Qui est dit que j'étais malot, et la crié, je suis perdu. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour naviguer la polka, et quand ça les gars, faut faire l'harmonica. C'est le midi après cette chanson, c'est un richard matelot de fond. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer un coup. Avec sa mine de trafiquant, faut bien lui rincer les dents. Faut que lui écoute ta vie, il faut que je reviens, qu'il le croira. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour naviguer la polka, et quand ça les gars, faut faire l'harmonica. Mon sac de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau, souvenirs de tout pays, bouteilles de rhum et de whisky, une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac, j'y ai mis l'harmonica, j'avais acheté ça Malaga, avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica, pour naviguer la polka, écoutez ça les gars, pour faire l'harmonica, avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica, pour naviguer la polka. Continuera cette émission avec Pat Kebra et son titre Confidence de l'album Électrosensible, paru en 2013. Il sera en concert le 5 septembre dans le Gers. Il nous prépare un single pour la fin de l'année. Vraiment hâte de vous le faire découvrir. Je vous passerai ensuite Demain t'appartient d'Alpha Blondy, extrait de l'album Dia Victory, sorti en 2007. Dia Victory, c'est le 14e album studio d'Alpha. On y retrouvait Ne tirez pas sur l'ambulance, Mr. Grande Gueule et la super reprise I Wish You Were Here des Pink Floyd. On retrouvera Les Crétins des Alpes avec Je suis content, tiré de l'album Yodé, réalisé le 16 juin 2014. Il est terrible cet album, que des tubes, que des bombes. La pelouse, Crétin Forever, Achever les chevreuils. D'ailleurs, ils seront au Festilac le 5 septembre et en showcase le 10 septembre à Sixtrius Bar à Aix-en-Provence à partir de 20h. Bis Zaza et les autres, je vous aime et je sais que vous nous aimez. Ensuite, on ira au Stupmonastère de Stupéflip, tiré de l'album Stup Religion en 2005. Une grosse arnaque qui leur a été faite au Stupéflip, puisqu'ils avaient signé pour deux albums, dont le premier Stupéflip en 2003 et Stup Religion, mais leur boîte de prod a mis le paquet en promo sur le premier album, donc Stupéflip, et rien sur le deuxième, qui du coup s'est très très mal vendu, et pourtant il est super cet album. Allez l'écouter, même sur Deezer, il est top, et on finira ce bloc avec Starlight de Muse en live, extrait du magnifique live à l'Olympic Stadium de Rome en 2014. Toutes ces années pour te confier mes

seule solution, Stup Monastère et ses 60 prières. Les fonds organisés se sont alliés au cimetière. L'Ouest entre en guerre et les squelettes sortent de terre. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution, Stup Monastère et ses 60 prières. Instaurer une nouvelle ère. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution. Qu'une seule solution. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution. Stup Monastère et ses 60 prières. Put your hands together! Oh! On repartira en musique avec Made on the Street de Prowlers de Montréal. J'ai déjà diffusé un de leurs titres. On va parler un peu d'eux. Ils sont quatre garçons, John, Stéphane, Martin et Sylvain. Ce groupe existe depuis plus de 16 ans et ils ont une bonne discographie. Air Today to Gone Tomorrow en 2001, Chao in the City en 2003, le 45 tour Hate Us en 2013, l'album Run the Run en 2014 et le vinyle rouge avec The Oppressed sorti en 2015. C'est de ce dernier album qui est extrait Made on the Street. Salut à eux, je sais qu'ils sont avec nous ce soir. On poursuivra cette belle soirée avec La Ventura de Mano Negra, album Panchanka en 1988, un super album plein de tubes, Killing Grats, Rock Island Line, Noche de Action et Malavida entre autres. Je diffuserai ensuite Du sang sur les murs de Zebra, tiré de l'album Mambo Punk sorti cette année. Un excellent album. J'aime bien, j'étais un voleur sur cet album, sûrement à cause de ces fameux bootlegs, les paroles d'un titre avec la musique d'un autre. Et oui, on l'a longtemps appelé DJ Zebra et perso, j'étais fan du Zebra Mix. Je diffuserai ensuite Et nous, on est où de GRM. C'est aussi le titre de l'album. Sur cet album, on y trouve Rock Intimity, No Comprendo avec son clip génialissime et la version 2014 de leur tube Mind the Gap. Allez faire un tour sur le site de grmguitarerougemusique.com. Leurs trois albums sont sur Deezer et Spotify. Tiens, on enchaînera avec un live, Tikenja Fakoli, du superbe Live à Paris en 2008. Une tuerie, que du bon, le balayeur ouvrait les frontières, plus rien ne m'étonne, t'entends d'America. Et sa très jolie interprétation de Sting, Englishman in New York. Tiken en a fait, un Africain à Paris, et là, ce sera France-Afrique. Heart and an iron soul, and an iron soul. Il y a du sang, aux infos y a le monde qui crève sous nos yeux. Aux infos y a du vent, aux infos y a du faux, aux infos y a des gens qui nous vendent la lune. Et la vie dans tout ça. Il y a des blondes, dans les mags il y a des tops, dans les mags il y a des tailles qu'on ne met jamais. Dans les mags il y a des news, dans les mags il y a des strass, dans les mags il y a des stars qu'on ne voit jamais. Et l'amour dans tout ça, et nous dans tout ça. Tout en haut, il y a des fous, tout en haut, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Dans le ciel, il y a du bleu, dans le ciel, il y a les cieux, dans le ciel, il y a des dieux qui ne servent à rien. Et demain, dans tout ça, et nous, dans tout ça, on est où? La politique France-Afrique, c'est du blague et tué. La politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tué. La politique France-Afrique, c'est du blague et tué. Politique Amérique-Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tué. Rastafari, come on. Enflammer l'Angola, ils ont brûlé le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. Africa, c'est du black et du jazz. La politique d'Amérique, Africa, ouais, mais c'est du black et du jazz. Politique France Africa, c'est du black et du jazz. La politique d'Amérique, Africa, ouais, mais c'est du black et du jazz. Le maïmo. Black et du jazz, Babylon et Tel Aviv. Et tu es la la la la ville de Zéro. Au Casella, il y a des nombreux terrains. Calibéré, il y a des nombreux terrains. Au Gangola, il y a des nombreux terrains. Au Casella, il y a des nombreux terrains. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Babylon, no man, réveillons-nous, vigilance et résistance, résistance, résistance, résistance, vigilance et résistance, il va nous blaguer de là, il va nous blaguer de là, il va nous blaguer de là, il va nous blaguer de là, il va nous blaguer de là. Merci beaucoup, bye bye bye bye. Merci beaucoup, merci beaucoup, bye bye bye bye. We are African, proud to be African. We are Rastaman, proud to be Rastaman. Even we are Ghanaian, even we are. Il arrache le bitume, ce Tietjen. On retrouvera ensuite Des Fleurs pour Salinger d'Indochine de l'album Le Baiser, sorti en 1990. C'est le cinquième album studio. On y retrouvait Le Baiser et Alerte Managa notamment. Je vous passerai ensuite Bitter End de Placebo de l'album Sleeping with Ghost, sorti en 2003. Que des tubes, English Submarine, Protect Me, Special Needs, Sleeping Ghost, album qui a propulsé la carrière de Placebo. J'écouterai bien un bon punk allemand. Allez, Betontond avec Viva Punk de l'album Sources Blues, sorti en 2006. C'est un groupe qui est né en 1990. Le premier album sorti à l'échelle européenne, c'était Anti-Rockstar, sorti en 2011. On va rigoler et jouer. Je vais diffuser une chanson, Boss of Me, de They Might Be Giants, sorti en 2001. Quel est le nom de la série qui a ce titre pour générique? Je mets des packs petit agité de Morchaine 43 en jeu. Envoyez vos réponses sur la page Facebook Vampire Freaks, l'émission radio. Un petit like au passage, c'est toujours sympa. Et on finira ce bloc avec My Girl de Scaramucci, une immense star de ragamuffin, dancehall, reggae de Jamaïque. Son dernier album sorti en 2011 s'appelle Greater Than Great. Mouais, hein, un peu narcissique le Scaramucci.

But me say it don't really matter when I won. But every time when you see me turn on, and every time when me have been on me on, it's like a firework ringing alarm. Woman, no matter how much I swam, swam. No watch, nothing gone, nothing I gone. You are my lady, I love you girl, I love you girl, I love you girl. I saw me say, I wanna love you in the morning, in the evening, in the night. I wanna love you, make you feel so right. I wanna give you everything you want from me. I'm gonna hold you in my arms, my world so tight. I need your love in the morning, in the evening, in the night. I need you every time to make me feel alright. Oh girl, like the sun, you keep shining bright. I'm all so sad when you're out of sight, girl. I know it's kinda hard with me. Kinda hard with me. Because I ain't easy to please. But me not easy to please, and you know, no, no. Me tell you, tell me love, I know you got a lot of patience, girl. Or you couldn't be with me. She couldn't be with the general at all. I know. But I love how she do what she do. You got me crying tears of joy, girl. My lover from me see her, me no in a no game. My girl a number one. From me say just like no other, I will love her forever. My girl a number one. For love her flow like river, I'm in a cheap river. I wanna love you in the morning, in the evening, in the night. I wanna love you, make you feel so right. I wanna give you everything you ever need. I'm gonna hold you in my arms, my girl so tight. Evening and the night, I need you every time to make me feel alright. Oh girl, like the sun, you keep shining bright. I'm all so sad when you're out of sight, girl. Ain't nobody in the world like you. All those troubles, I know I put you through. Oh, I can dream about you, baby, every night and day. I can dream about you. On poursuivra la soirée avec Violence in the Street de Broussailles, de l'album In the Street sorti cette année. Ils sont bourguignons, originaires de Mâcon et sont en concert dans toute la France. On s'écoutera Close to Me des Cure, extrait de l'album Head on the Door sorti en 1985. On pouvait entendre In Between Days, Six Different Ways et Night Like This notamment. On s'écoute un Beru en live. Allez, il tue à son petit frère du Carnaval des Agités en 95. Je diffuserai ensuite Try Just a Little Bit Harder de Janis Joplin de l'album I Got Them Cosmic Blues Again Mama en 1969. Il y avait aussi One Good Man et le fabuleux Cosmic Blues. Et on finira ce bloc avec Kids Aren't Alright des Offspring de l'album Americana en 1998. Je pense que c'est l'album des Offspring qui s'est le mieux vendu. Que des hits, Staring at the Sun, Pretty Fly for a White Guy, la reprise de Feeling de Loulou Gasté, on en fera un de ces punks, je vous dis. La moindre étincelle le scintille dans la nuit. Hey, violence in the street. Incendie criminel, acteur d'une tragédie. Violence in the street. La moindre étincelle le scintille dans la nuit. Hey, violence in the street. Dans la rue, dans la rue. Un cas de verre, bouteille de pierre en pleine tête. Soirée alcoolisée, les cris sonnent la fin de la fête. Dans le vacarme et les coups, ça tourne au drame. Chaque objet aux alentours peuvent se transformer. transformé en une arme. Il est trop tard pour raisonner les protagonistes. Ceux qui s'en mêlent finiront amochés ce soir sur la piste. Triste pour un regard, quelques mots déplacés. Finir en prison ou à la morgue, le corps glacé. Partant de crise, le peuple attend un sauveur. À la tribune se déchaînent les orateurs. Le pays va mal, rongé de l'intérieur. Un bouc émissaire doit payer, il est l'heure. La haine raciale s'installe, devient normale. La violence verbale marche dans les rues de la capitale. L'autre est montré du doigt comme par le passé. On entend se rapprocher le bruit des bottes du siècle dernier. Violence in the street, la moindre étincelle, le scintille dans la nuit. Hey, violence in the street, incendie criminel, acteur d'une tragédie. Violence in the street, la moindre étincelle, le scintille dans la nuit. Hey, violence in the street, dans la rue, dans la rue. Soleil du midi, apéro parti sur la canne, bière, sourire de cœur cassé, une tension flotte dans la. Des secondes paisibles de calme avant la tempête. L'orage est une moto lançant des éclairs d'une mitraillette. Rap, pop, pop, pop, ça tire en rafale. Sur la terrasse, la panique se transforme en cavalcade. Un enfant touché, c'est le théâtre de l'horreur. La douleur déchire les hurlements d'une mère en pleurs. Ça ne peut plus durer. L'heure est à la résistance. Un vent de liberté souffle sur les espérances. Les esprits s'échauffent, les barricades se forment. Les pavés volent, la tension monte sous l'uniforme. La scène vue d'une fenêtre prend une tournure surnaturelle. Le pouvoir tire sur la foule à balles réelles. Violence in the street, la moindre étincelle, le scintille dans la nuit. Incendie criminel, acteur d'une tragédie. Violence in the street, la moindre étincelle, le scintille dans la nuit. Hey, violence in the street. We'll be right back. C'est encore une histoire pas claire de petit frère qui étrangla son proprio. Take me out. some more. I said, try. Try. Au jeu, c'était la série Malcolm. Cette émission touche malheureusement à sa fin. À bientôt pour une Vampire Fix, l'émission où je débarque dans votre salon sur cette antenne. Et puisqu'on est dans le délire, je laisse le mot de la fin au Beat Freaks avec Super Freak dans 98. Mais c'était une chanson qui a été interprétée par Rick James en 1981. Thank you.